De la connaissance de soi-même. Chapitre 56. Il commence à expliquer la seconde partie des versets qu'il a pris pour sujet de ce traité, dit qu'il faut se détacher de la vue des créatures pour rentrer dans soi-même afin de mieux connaître Dieu. Si vous avez bien compris, ma chère fille, ce que je vous ai dit de la nécessité qu'il y a, pour se rendre agréable à Dieu, de bien entendre sa parole, écoutez maintenant les mots suivants de ce verset. Ouvrez les yeux, car il ne suffit pas d'être attentif à la voix de Dieu qui frappe nos oreilles, et à ses inspirations qui touchent notre cœur, il faut aussi avoir les yeux ouverts pour remarquer que Jésus, Christ ne reprend pas moins ceux que leur aveuglement empêche de voir la lumière, que les sourds qui n'entendent point la vérité. Mais ne croyez pas que ce que ces paroles vous avertissent de regarder soit pour voir les vanités du monde qui ne ferait que vous aveugler en troublant la vue de votre âme. Car nos yeux ne doivent regarder la terre que dans la pensée qu'ils retourneront en terre, et le ciel que dans le désir d'y arriver un jour, selon ces paroles de David, « Je regarde la terre qui est l'ouvrage de vos mains, et les cieux, la lune et les étoiles que vous avez formées. » Psaume 8, 37. Que si l'on veut regarder d'autres créatures, on le peut, pourvu que ce soit sans s'y arrêter et passer d'elle à Dieu. Selon ces paroles d'un autre psaume, « Seigneur, détournez mes yeux, afin qu'ils ne regardent point la vanité, et faites-moi vivre en me faisant marcher dans votre divine voie. » Psaume 118, 37. Car, comme ce saint roi savait que pour trop arrêter ses regards sur les choses du monde, on court moins légèrement dans le chemin du ciel, à cause qu'il diminue la chaleur de la piété, il a ajouté ces paroles, « Faites-moi vivre », qui marque qu'il lui demande de l'entretenir dans cette vigueur de la piété. Car ceux qui sont expérimentés en semblables choses savent que plus nous fermons les yeux du corps aux objets extérieurs, et plus les yeux de notre âme s'ouvrent pour considérer les intérieurs dont la vue leur est si avantageuse et si agréable, c'est ce qu'un chrétien ne doit point avoir de peine à croire, puisque nous savons que quelques philosophes païens se sont crevés les yeux pour pouvoir mieux recueillir leur esprit dans la contemplation, en quoi nous avons sujet de nous moquer de leur folie, et de profiter en même temps de ce qui les portait à la faire. Ainsi, nous ne saurions trop prendre garde à l'usage que nous ferons de nos yeux, afin d'éviter les maux qui arrivent d'ordinaire de leur donner trop de liberté. Car d'où pensez-vous que soit venue la perte des hommes? Ça a été sans doute d'un regard trop curieux, Ève arrêtant trop longtemps sa vue sur cet arbre qui nous a été si funeste. Son fruit lui parut si beau, et elle le crut si excellent, qu'elle désira d'en manger, en mangea et en fit manger à son mari, ce qui leur causa la mort et à toute leur postérité. On ne saurait sans imprudence trop s'arrêter à regarder ce qu'il n'est pas permis de désirer. L'exemple de David le fait bien voir, car pour avoir pris plaisir à regarder une femme qui se baignait, il se trouva obligé durant plusieurs jours et plusieurs nuits d'arroser la terre et tremper son lit de ses larmes. Et puisque ce grand saint dit, « Mes yeux ont répandu des ruisseaux de larmes, parce que les méchants n'ont pas observé vos lois. » Psaume 118. Quel sujet n'avait-il point d'en répandre par la douleur qu'il ressentait de ne les avoir pas lui-même gardés? Il aurait donc beaucoup mieux fait de ne se pas plaire à regarder ce qui lui devait causer tant de douleur, et étant pécheurs comme nous le sommes, Nous ferons beaucoup mieux aussi de ne nous point laisser aller à cette dangereuse curiosité, puisque notre cœur se porte si facilement à aimer ce qui plaît à nos yeux. Mettons donc un voile entre nous et les créatures, afin de ne nous y pas trop attacher, et perdre ainsi la vue de notre Créateur, et ce voile doit être les saintes pensées que Dieu nous inspire. Comme l'une des marques les plus certaines que notre cœur est recueilli en Dieu est la mortification dans nos regards, l'une des plus grandes marques de la dissipation de notre esprit est de ne les point retenir. Le pouls ne fait pas mieux connaître la disposition du corps que l'œil fait juger de celle de l'âme, soit dans le bien, soit dans le mal. Ce qui a fait dire à l'époux dans le cantique comme une grande louange qu'il donne à son épouse, qu'elle avait des yeux de tourterelle, c'est-à-dire pudiques et chastes, et qui ordinairement sont noirs. Prenons donc bien garde de quelle sorte nous nous servirons de nos yeux si nous ne voulons que le mauvais usage que nous en ferons nous coûte des pleurs. Que si nous sommes obligés d'agir avec une si grande circonspection en ce qui concerne les choses extérieures, combien le sommes-nous plus dans ce qui regarde l'intérieur, puisque c'est ce qui fait tout le bien ou le mal selon lequel nous serons jugés, et qui fera connaître si nous aurons été clairvoyants ou aveugles. Les pharisiens voyaient clairement avec les yeux corporels. Mais parce que les yeux de leur âme étaient couverts de ténèbres, Jésus-Christ dit qu'ils étaient aveuglés conducteurs d'aveugles. Le patriarche Isaac et Tobie avaient, au contraire, les yeux de l'âme éclairés d'une si vive lumière, qu'ils souffraient sans peine d'être privés de la lumière du jour. Parce que comme saint Anton dit à un solitaire nommé Didyme qui était aveugle et fort intelligent dans l'Écriture sainte, qu'il ne devait point s'affliger d'être privé de ses organes que tant d'animaux ont si excellents, puisque les yeux de son âme, qui sont ceux avec lesquels on voit Dieu, étaient si bons. C'est donc, ma chère fille, de ces yeux spirituels et non corporels que vous devez entendre la seconde partie de ce verset qui dit « Ouvrez les yeux, si vous désirez de l'accomplir. Les yeux que Dieu vous a donnés pour le voir sont votre entendement, ne les remplissez pas de poudre qui sont les vanités du monde, et ne les laissez pas obscurcir par ces grossières vapeurs qui sont des pensées tout terrestres. Mais ayez soin de les conserver si clairvoyants, qu'ils puissent vous servir dans ce que Dieu désire de vous pour vous rendre bien heureuse. Ne croyez pas que ce soit en vain qu'il vous a délivré des occupations du monde et des soins que donne le mariage dans lequel il est si difficile, sans une grâce très particulière, de satisfaire à tous ses devoirs. Mais il vous a mise dans cet heureux état, afin que vous soyez tout entière à lui et ne regardiez que lui seul en la manière qu'une honnête femme regarde son mari. Chapitre 57. Que nous sommes nous-mêmes la première chose que nous devons regarder, et combien il nous importe de nous connaître. L'ordre que vous devez tenir, ma chère fille, pour faire un bon usage de vos yeux et de vous regarder vous-même, et puis Dieu, et ensuite le prochain. Car, il faut commencer par vous connaître afin de vous mépriser, n'y ayant point de plus grande erreur que de se croire meilleur que l'on est, faute de se bien connaître. Vous n'êtes que terre au regard du corps, et qu'une pécheresse au regard de l'âme. Vous ne sauriez avoir une opinion de vous plus avantageuse sans vous aveugler et avoir sujet de craindre que votre céleste époux ne vous dise, quelque belle que vous soyez, si vous vous méconnaissez, sortez d'ici, allez après vos troupeaux et paître vos chevreaux auprès des cabanes des bergers. Cantique 1, 8. Je vais vous expliquer ce passage du Cantique des Cantiques, selon le texte grec et l'édition Vulgate que le Concile de Trente ordonne de suivre, quoique l'hébreu ait un autre sens. Saint Grégoire, Saint Bernard et Origène disent que rien ne peut être plus terrible que d'entendre sortir de la bouche d'un dieu ces épouvantables mots, « Sortez d'ici !» Car si de semblables paroles d'un père à son fils, ou d'un mari à sa femme les fait trembler, en quel état se trouve réduite une âme qui se voit ainsi éloignée de Dieu, privée de tous les biens et tombée dans tous les maux imaginables? Saint Pierre dit à Jésus-Christ, « À qui irions-nous, Seigneur, vous avez la vie éternelle ?» Johan 6, 69. Une âme pourrait de même lui dire, « Si vous me rejetez, mon Sauveur, vous qui êtes la source éternelle de la vie, où irai-je ? Si vous me rejetez, vous qui êtes la lumière incréée hors de laquelle il n'y a que des ténèbres, où irai-je ? Si vous me rejetez, vous qui êtes le pain vivant sans lequel on ne saurait éviter de mourir de faim, où irai-je ? Si vous me rejetez, vous qui êtes le seul rempart qui me peut mettre en assurance, où irai-je ? Et enfin, Seigneur, si, étant comme une pauvre brebis tout environnée de loups, vous, qui êtes mon divin pasteur, m'abandonnez, que deviendrai-je ? Quelle différence y a-t-il entre ces terribles paroles, sortez d'ici et vous en allez ? Et celle que Jésus-Christ dira au dernier jour aux réprouvés, « Allez, maudits, au feu éternel qui vous a été préparé, » Matthieu 25, 41. Ainsi, je le répétais encore, rien ne peut être plus épouvantable, et que nous devions tant travailler à éviter, que d'être chassés de la maison de Dieu abondant en biens infinis, pour être précipité dans un abîme de maux, et que peut, dit saint Augustin, faire un homme abandonné de Dieu et laissé à sa propre conduite, sinon de le renoncer comme fit saint Pierre, et être incapable de s'en repentir, à moins qu'il ne lui fasse la grâce qu'il fit à ce prince des apôtres, de le regarder d'un œil favorable qui pénétra son cœur de chaleur d'avoir commis un tel crime, et lui fit connaître que, la confiance qu'il avait en soi, même avait été la cause de sa chute. Il paraît par là que ce qui oblige l'extrême bonté de Dieu d'être rigoureuse envers ses enfants, jusqu'à les chasser et les bannir de sa présence, ne vient que de ce que ne se connaissant pas eux, mêmes et pensant être quelque chose, ils s'appuient sur leur propre force, et c'est ce qui fait dire à l'époux dans ce cantique, « Si vous vous méconnaissez, sortez d'ici et allez après vos troupeaux, c'est à dire courez à votre perte en marchant sur les traces des pécheurs, qui, comme des animaux, vont de compagnie et s'excitent les uns les autres à courir dans des voies égarées qui se terminent à une condamnation qui les fera éternellement brûler tous ensemble comme ils ont péché tous ensemble. Et, quant à ce que ce divin époux nomme ses troupeaux, les troupeaux de l'âme à qui il parle, c'est à cause que le mal que nous faisons vient de nous et non pas de lui, au lieu que le bien que nous faisons vient de lui et non pas de nous, parce que c'est lui qui nous le fait faire, et il en use de la sorte, non pas pour son intérêt, puisque sa gloire ne peut augmenter par celle que nous lui donnons, mais pour le nôtre, nous important de tout de savoir que nous n'avons rien de bon dont nous ne lui soyons redevables et obligés de lui donner toute la gloire, que si nous nous faisons une idole de ce qu'il lui a plu de mettre de bon en nous, et attribuons ainsi à une créature corruptible l'honneur qui n'est dû qu'à un Dieu incorruptible, ne nous punira-t-il point d'un tel crime, et ne nous dira-t-il pas, prenez ce qui est à vous, et perdez-vous si bon vous semble. Puisque vous n'avez pas voulu demeurer avec moi pour vous sauver, hélas, qu'il est vrai qu'on voit l'effet de ces paroles s'accomplir dans les esprits orgueilleux, ils deviennent presque en un moment, de spirituels qu'ils étaient, tout charnels, et de recueillis tout dissipés, on pouvait les comparer à de l'or, et ils ne sont plus que de la boue. Au lieu du pain céleste dont ils étaient nourris, ils sont réduits à manger du gland comme les pourceaux, et ils ont un tel dégoût des bonnes œuvres que, non seulement ils n'en font plus, mais ils n'en veulent plus entendre parler. Car d'où pensez-vous qu'il arrive que des personnes qui étaient chastes en leur jeunesse, et avaient résisté à de grandes tentations tombent si misérablement en leur vieillesse dans l'impudicité, qu'ils en sont eux-mêmes épouvantés et en honte? Cela vient de ce que dans le péril de tomber où ils se voyaient être au commencement, ils étaient dans l'humilité et une sainte appréhension qui les faisait recourir à Dieu, et il les soutenait. Mais après avoir vécu assez longtemps dans cet heureux état, ils se sont confiés sur eux-mêmes, et Dieu les ayant aussitôt abandonnés à leur propre conduite, ils ont fait une chute si déplorable, en quoi l'on a vu l'effet de ces paroles, ils sont allés paître leurs chevreaux, c'est-à-dire leurs sentiments déshonnêtes, et sont allés paître auprès des cabanes des pasteurs, ce qui signifie que comme ces cabanes se transportent à toute heure d'un lieu à un autre, il n'y a point en eux de fermeté, ainsi qu'il y en a aux maisons bâties dans les villes. L'orgueil de ces personnes leur ayant fait perdre le sentiment qu'ils devaient avoir d'eux-mêmes, qui est de se croire un pur néant et de misérables pécheurs, ils s'abandonnent à des sentiments charnels, et dérobe ainsi à Dieu la gloire que nous lui devons de tout ce que nous faisons de bien. Considérez attentivement cela, ma chère fille, et profitez des menaces portées dans ce cantique, afin de n'en pas éprouver l'effet. Imitez cette chaste épouse qui, après avoir entendu ces terribles paroles sorties de la bouche de son divin époux, « Sortez d'ici et allez après vos troupeaux », fit réflexion sur elle-même, et s'étant corrigée de quelques imperfections qu'elle avait, son humilité lui fut si agréable, qu'il la consola et compara sa force à son armée céleste qui extermina toute l'armée de Pharaon, et la beauté de ses joues celle de la variété des couleurs du cou d'une tourterelle. L'orgueil ressemble au diable qui, comme dit saint Jean, ne voulut pas demeurer dans la vérité qui est Dieu, et tomba ainsi pour ne s'être appuyé que sur lui-même, parce que la créature ne peut subsister qu'en son créateur. Mais, lorsqu'elle demeure dans l'humilité, par la connaissance qu'elle a de soi-même, elle est semblable aux bons anges qui, se considérant comme un néant, ne cherchèrent de l'appui qu'en Dieu, et il les confirma dans la grâce qu'il leur avait donnée. Lorsqu'ils prononcèrent tout d'une voix cette excellente parole, Michaël, c'est-à-dire qui est semblable à Dieu, dans le même temps que Lucifer et les compagnons de son crime se faisaient eux-mêmes leur idole, en s'attribuant l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu, comme étant lui seul le principe, le soutien et tout le bonheur des créatures, ce n'est pas que ces esprits orgueilleux crussent avoir toutes ces qualités, puisqu'ils n'ignoraient pas qu'ils étaient des créatures, mais c'est qu'ils n'avaient pas moins de complaisance en eux, même que s'ils les eussent eues, car c'est ainsi que les superbes agissent. Leur entendement les contraint de reconnaître que tout ce qu'ils ont de bon et tout ce qu'ils peuvent espérer vient de Dieu, mais leur volonté les fait s'élever et se plaire en eux-mêmes par une épouvantable vanité, comme s'ils venaient d'eux, et ils dérobent ainsi à Dieu, par ce dérèglement de leur volonté, la gloire que leur entendement ne saurait lui refuser. Au lieu qu'au contraire l'entendement et la volonté des bons anges s'unirent pour crier, qui est semblable à Dieu, parce qu'ils s'humilièrent de tout leur cœur devant sa suprême majesté, par la connaissance de leur néant et de sa grandeur infinie, ce qui fit qu'il les éleva jusqu'à cet inconcevable bonheur que de les rendre participants de sa divinité, sans pouvoir jamais en être privés. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans ce cantique, compare la force de son épouse, lorsqu'elle reconnaît sa bassesse et s'humilie, à l'armée céleste de ces bienheureux esprits qui précipitèrent dans la mer Pharaon et toute son armée, et la beauté de ses joues à celle de la variété des couleurs du cou d'une tourterelle, parce que c'est sur les joues que paraît la pudeur et une chaste honte, et que les menaces dont avait usé l'époux, avaient donné de la confusion à cette pudique épouse d'avoir osé lui trop demander. Ce qui a fait dire à Saint Bernard, qu'il n'avait point trouvé de meilleur moyen pour acquérir, conserver et recouvrer la grâce, que de vivre toujours dans la crainte, parce que lorsque nous n'avons pas la grâce, nous sommes toujours en hasard de tomber, que lorsque nous l'avons, nous devons appréhender de ne pas faire profiter le talent qui nous est donné, et que, lorsque nous l'avons perdu, nous ne l'aurions trop nous affligé d'en avoir si mal usé. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Heureux celui qui vit toujours dans la crainte », Proverbe 28. Chapitre 58. Que nous devons travailler avec beaucoup de soin à nous connaître, de quelle manière nous le pouvons faire, et qu'il faut en chaque jour se recueillir durant quelque temps. Vous pourrez juger par ce que j'ai dit et par ce que les saints ont écrit de la connaissance de nous-mêmes, combien elle est nécessaire pour arriver à celle de Dieu, et puisque vous désirez, servant de Jésus-Christ, de lui préparer une demeure dans votre âme, sachez que ce n'est pas chez les grands, mais chez les petits et les humbles qu'il prend plaisir d'habiter. Ainsi la première chose que vous devez faire est de fouiller si avant dans la terre de votre cœur, qu'après en avoir ôté tout ce qu'elle a de léger et de mouvant, qui est votre propre estime, vous veniez jusqu'à trouver cette roche inébranlable qui est Dieu, sur laquelle vous bâtirez cet édifice spirituel. C'est ce qui a fait dire à Saint Grégoire, « Celui qui veut édifier les vertus dans son âme, doit commencer par en mettre le fondement, qui est l'humilité, car autrement, c'est comme qui voudrait, durant un grand vent, porter de la cendre dans sa main. » Et, ce qui le faisait parler ainsi, est que non. Seulement les vertus ne peuvent sans l'humilité passer pour de véritables vertus, mais qu'au lieu de nous servir, elles causent notre perte, de même qu'un grand édifice, bâti sur un faible fondement, n'est que la matière d'une grande ruine. C'est pourquoi plus ces vertus sont élevées, plus elles doivent être profondément fondées sur l'humilité, afin que l'âme demeure ferme sans pouvoir être ébranlée et renversée par le vent de l'orgueil. Que si vous me dites, comment pourrais-je trouver cette perle précieuse de la connaissance de moi-même, je réponds, qu'encore qu'elle soit d'un si grand prix, vous la trouverez dans le fumier de votre bassesse et de vos imperfections. Lorsqu'au lieu de vous arrêter à considérer la vie des autres et vous entretenir de choses curieuses, vous arrêterez vos yeux sur vous-même pour examiner jusqu'à vos moindres imperfections. Car, encore que vous y rencontriez d'abord de la difficulté et soyez comme une personne qui, au sortir d'un grand jour, entre dans une grande obscurité, vous n'avez qu'à continuer sans vous inquiéter, et vous verrez peu à peu, avec la grâce de Dieu, jusque dans les plus secrets replis de votre cœur. Pour apprendre la manière de vous bien conduire dans une chose si importante, écoutez ce que saint Jérôme dit sur ce sujet à une femme mariée. Conduisez-vous de telle sorte dans le soin que vous êtes obligé d'avoir de votre famille, que vous en preniez aussi de ce qui regarde le repos de votre âme. Choisissez pour cela un lieu le plus éloigné du bruit qu'il se pourra, allez-y comme, dans un port où vous serez à couvert de la tempête des affaires du monde, et là ne vous occupez qu'à de saintes lectures, à l'oraison, et à vous affermir de telle sorte dans la pensée d'une autre vie, que vous récompensiez, par ce peu de relâche que vous prendrez, toutes les distractions du reste de la journée. Ce que je ne vous dis pas pour vous faire négliger la conduite de votre famille, mais au contraire, pour vous rendre encore plus capable de la bien conduire, que si ce saint docteur recommandait à une femme mariée de quitter pour un peu de temps ses occupations ordinaires, pour se retirer et se recueillir quelques lieux où elle pût tranquillement lire et penser à Dieu, à combien plus forte raison, une fille qui s'est consacrée à Jésus-Christ et qui est libre des soins temporels, est l'obligée de s'occuper principalement à l'oraison dans un recueillement intérieur et extérieur, et choisir pour cela dans la maison, quelques lieux retirés, où elle n'ait que des images dévotes et des livres de piété, afin que ses yeux et son esprit n'y trouvent que des objets qui leur fassent voir et goûter combien le Seigneur est doux. Comme l'état de la virginité que vous avez embrassée vous a dégagé des vains soucis que l'on a dans le monde, et rend votre corps semblable par sa pureté à celle qui rend le ciel incorruptible, il faut, autant qu'il vous sera possible, empêcher qu'il n'entre dans votre cœur aucun sentiment d'affection pour les choses terrestres, afin qu'il soit un temple vivant, dans lequel vous offriez continuellement vos prières à Dieu et fassiez retentir ses louanges. Le soin qui doit seul vous occuper, comme dit saint Paul, est de vous rendre agréable à Dieu. Et puisque vous êtes si heureuse que d'avoir pour époux ce roi du ciel, et vous considérez comme morte au monde, souvenez-vous de ce que ce divin époux dit à son épouse dans le cantique, « Vous êtes, ma sœur et ma chaste épouse, un jardin fermé, cantique, 4. Mais pourquoi, dit-il, qu'il est fermé ? C'est parce que la chair de son épouse ne doit pas seulement être pure et chaste, mais son âme doit aussi être retirée et la renfermer en elle-même, car la virginité n'est pas seulement considérée en elle. Même parmi les chrétiens, elle l'est aussi parce qu'elle nous sert à donner notre cœur à Dieu avec plus de liberté. Ce qui fait qu'une fille qui se contentait d'être vierge de corps et ne prend pas soin de s'avancer dans la vertu, dans l'oraison et dans les sentiments de Dieu, cesse de marcher dans le chemin où elle est entrée, et en s'arrêtant ainsi n'arrive jamais où elle a dessein d'aller, parce que c'est comme se préparer à travailler sans mettre la main à l'œuvre. Que s'il est honteux à un chrétien de ne faire point de sainte lecture et n'avoir point de sainte pensée, n'est-ce pas une chose insupportable dans un religieux, un prêtre et une vierge consacrée à Dieu? Si vous voulez donc goûter la douceur du fruit de la sainte virginité que vous avez promise à Jésus-Christ, ne craignez rien tant que de voir et d'être vu, ne sortez point, s'il est possible, de votre maison, quand ce serait même pour aller en de saints lieux et faire de bonnes œuvres, parce que c'est ainsi que les filles doivent se conduire, ne vous entremettez point des choses temporelles, ni ne vous en embarrassez point. Après le travail des mains qui, pris avec modération, sert au corps et à l'âme, et avoir satisfait à ce que le besoin et la charité vous obligent de faire dans la manière de vie que vous vous êtes prescrite. Retirez-vous le plus que vous pourrez dans votre oratoire, et assurez-vous que si au commencement vous y avez de la peine, vous éprouverez dans la suite que, comme c'est là que l'on traite des affaires du ciel, vous n'aurez en nul autre temps tant de consolation et de repos. Chapitre 59. Continuation de ce que l'on doit faire pour arriver à la connaissance de soi-même, et comment on peut profiter de la lecture et de l'oraison. Quand vous serez, ma chère fille, dans cette tranquille retraite dont je viens de parler, recueillez-vous-y au moins deux fois le jour, le matin, pour penser à la passion sacrée de notre Seigneur, comme je le dirai dans la suite, et le soir, pour vous occuper à la connaissance de vous-même. La manière dont vous devez agir en cela est, premièrement, de prendre un livre de piété dans lequel, comme dans un miroir, vous puissiez voir vos défauts et soutenir votre âme par une sainte nourriture, qui vous donne la force de marcher dans la voie du ciel, mais sans vous fatiguer par cette lecture, en y employant plusieurs heures. Contentez-vous d'élever votre cœur à Dieu pour le prier de vous faire entendre sa voix par le moyen de ce que vous lirez, et de vous en faire comprendre le véritable sens. Après cela, ayez une telle attention et un tel respect pour ce que vous lirez, que vous l'écoutiez comme si Jésus-Christ, étant encore au monde, vous le disait de sa propre bouche, en sorte que, bien que vous ayez les yeux arrêtés sur votre livre, vous n'y attachiez pas tellement votre cœur, que vous cessiez de penser à Dieu, mais vous vous contentiez d'une médiocre et tranquille attention, qui n'empêche pas celle que vous devez avoir à Dieu. Une lecture faite en cette même manière ne vous lassera pas et fera que notre Seigneur vous donnera un si vif sentiment de ce que vous lirez, qu'il produira dans votre âme tantôt le repentir de vos péchés, tantôt la confiance qu'il vous les pardonnera, et tantôt une lumière qui éclairera tellement votre esprit, qu'elle vous donnera la connaissance de beaucoup de choses, encore que vous n'ayez lu que peu de lignes. Il faudra quelquefois interrompre votre lecture pour penser à ce que vous aurez lu, et la reprendre ensuite, afin que la lecture et l'oraison s'entraident. Lorsque vous serez ainsi recueilli et touché d'un sentiment de piété, vous pourrez commencer à vous occuper à la connaissance de vous-même, et en vous mettant à genoux, vous représentez quelle est cette suprême majesté à qui vous allez parler. Mais ne vous imaginez pas qu'elle soit éloignée de vous, songez au contraire qu'elle remplit le ciel et la terre, et qu'elle est plus dans vous que vous-même. Rendez un profond respect à sa suprême grandeur, regardez-vous comme n'étant qu'une fourmi devant un être infini, suppliez-le de vous permettre de lui parler, commencez par vous accuser de vos fautes en général, et demandez-lui particulièrement pardon de celles que vous avez commises en ce jour-là, faites ensuite vos prières accoutumées, et qu'elles ne soient pas en si grand nombre, qu'elles vous fassent mal à la tête et refroidissent votre dévotion. N'en faites pas aussi trop peu ou point du tout, car elles servent à exciter la piété dans l'âme et à nous offrir à Dieu en employant notre langue à l'usage pour lequel il nous l'a donné, qui est de le bénir et de le louer, selon ce que saint Paul nous apprend, que nous devoir employer notre voix et notre esprit à prier et à chanter des cantiques. 1 Corinthiens 14. Vous ne devez pas, dans ces prières, demander seulement à Dieu des grâces pour vous, il faut aussi lui en demander pour ceux que vous avez une particulière obligation de lui recommander, et pour toute l'Église chrétienne, dont l'affection doit être profondément gravée dans votre cœur, car, si vous aimez Jésus-Christ, ne devez-vous pas aimer celle pour qui il a répandu son sang? Priez en cette même manière tant pour les vivants que pour ceux qui sont en purgatoire, et même pour les infidèles, afin qu'il plaise à Dieu de les amener à la connaissance de sa sainte foi, puisqu'il désire que tous soient sauvés. Ayez dans ces prières principalement deux choses en vue, l'une, la Sainte Vierge, pour qui vous devez avoir un sincère amour et une entière confiance de l'éprouver dans tous vos besoins une véritable mère, et l'autre, la Passion de Jésus-Christ, comme étant votre refuge ordinaire dans tous vos travaux, et l'unique espérance de votre salut. Chapitre 60. Combien la pensée de la mort sert à se connaître soi-même, et la manière dont on doit méditer ce que deviendra le corps après qu'il sera séparé de l'âme. Ensuite de ce que je viens de dire, cessez de prier vocalement, rentrez dans vous-même, considérez-vous comme étant seul avec Jésus-Christ, souvenez-vous que son infinie bonté vous a tiré de l'abîme du néant pour vous rendre une créature raisonnable, songez qu'il vous a donné un corps et une âme pour le servir, imaginez-vous, le plus fortement que vous pourrez, cette dernière heure qui finira votre vie, et dites-vous à vous-même, cette heure viendra très certainement, et je ne sais si ce ne sera point ce matin ou ce soir, mais, puisqu'elle est inévitable, je ne saurais trop m'y préparer. Considérez-vous comme sentant déjà la sueur de la mort, lorsque vos poumons perdront la respiration, votre visage la couleur, vos yeux la lumière, et que d'extrêmes douleurs, en séparant votre âme d'avec votre corps, rompront cette union qui leur était si agréable, représentez-vous qu'à présent vous ensevelira, on vous mettra dans le cercueil, on vous conduira dans la sépulture, vos proches et vos amis pleurant d'un côté, et les prêtres faisant retentir de l'autre des chants funèbres, et que, lorsque l'on aura couvert votre corps de terre, vous serez abandonné de tout le monde, et l'on vous aura bientôt oublié. Considérez ensuite avec attention à quoi se terminent tous les désirs et toute la gloire d'ici-bas, et vous n'aurez pas de peine à connaître quelle est la folie de ceux qui, ne pouvant éviter de sortir de cette vie pauvres et nus, travaillent avec tant de peine pour s'enrichir, qui, devant être foulé aux pieds et oublié pour jamais, souhaite avec tant d'ardeur de s'élever au-dessus des autres, qui prennent tant de soin d'un corps qui sera la pâture des vers, et qui, par des plaisirs qui passent si vite, s'engage à souffrir des tourments qui ne finiront jamais. Ainsi, vous rendant la mort présente et ses suites si épouvantables, ce vous sera un moyen de mortifier votre chair, d'éteindre le désir de plaire au monde, et de mépriser tout ce qu'il y a de plus éclatant, puisqu'il faudra le quitter qu'il vous quitte. Car, cette véritable connaissance de vous-même, vous faisant voir à quoi tout ce qui est ici-bas se termine, vous rendra capable de vous bien conduire, ainsi qu'un pilote a toujours dans l'esprit le lieu où il veut aller, afin de gouverner son vaisseau par la route qu'il doit prendre pour y arriver. Chapitre 61. De la manière de méditer sur ce que deviendra le malheur de la mort, et combien cette méditation peut nous faire avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Vous venez de voir, ma chère fille, à quoi se terminera tout ce qui regarde votre corps. Il faut maintenant vous parler de l'état où se trouvera votre âme dans cette dernière heure qui finira votre vie. Elle sera accablée de douleur par le souvenir de vos péchés. qui vous paraîtront alors aussi grands qu'ils vous semblaient légers auparavant, vous sentirez défaillir tous vos sens, votre langue se trouvera dans l'impuissance de demander du secours à notre Seigneur, votre esprit sera si obscurci, qu'à peine pourrez-vous penser à lui, et ainsi arrivera peu à peu ce dernier moment qui, par l'ordre de Dieu, séparera votre âme d'avec votre corps, et décidera de votre perte éternelle ou de votre salut éternel. Alors vous entendrez sortir de la bouche de Dieu, ou ses épouvantables paroles, « Éloignez-vous de moi pour aller brûler dans l'enfer », ou ses paroles si favorables, « Demeurez avec moi pour être heureux à jamais », ou en passant par le purgatoire, ou en entrant dès maintenant dans mon paradis. Comme c'est de Dieu seul que vous devez attendre votre salut, que ne devez-vous point faire pour vous efforcer de lui plaire en cette vie, afin qu'il ne vous traite pas à la mort selon la rigueur de sa justice, car les démons ne manqueront pas alors de vous accuser de tous les péchés que vous aurez commis, et, si la miséricorde de Dieu ne les lui faisait oublier, que deviendriez-vous, pauvres brebis environnées de tant de loups qui frémiront de rage par le désir de vous dévorer? Représentez-vous en quelle extrémité vous vous trouverez, quand vous paraîtrez devant le trône de Dieu, seul, dénué de toute assistance, et accompagné seulement de vos bonnes ou de vos mauvaises œuvres? Dites à notre Seigneur que vous vous présentez volontairement devant lui pour lui demander de vous faire miséricorde dans cette heure terrible que vous serez contraint de sortir du monde. Considérez-vous comme un voleur que l'on a surpris dans son larcin et que l'on présente à son juge les mains liées, ou comme une femme surprise en adultère par son mari, dont la confusion est si grande que, ne pouvant désavouer leur crime, ils n'osent seulement lever ses yeux. Et sachez que Dieu voit beaucoup plus clairement les péchés que nous commettons contre lui, que les hommes ne voient ceux que nous commettons contre eux. Rougissez de honte de n'avoir point eu de honte d'être si mauvais en la présence d'une si extrême bonté, accusez-vous des péchés dont vous pouvez avec sujet être accusé, et particulièrement des plus importants, mais seulement en général de ceux qui sont déshonnêtes, sans vous y trop arrêter, de même que l'on passe promptement devant un égout dont la puanteur donne de l'horreur. Jugez-vous et condamnez-vous vous-même, jetez les yeux sur les peines de l'enfer en reconnaissant que vous les avez méritées. Mettez d'un côté toutes les grâces que vous avez reçues de Dieu tant votre corps qu'en votre âme depuis votre création, qui vous obligeait à le respecter, l'aimer, lui obéir et le servir de tout votre cœur en observant ses commandements et ceux de son Église, outre tant d'autres biens qu'il vous a faits, tant de maux dont il vous a délivrés. Et surtout de quelle sorte il vous a convié par son exemple à être bonne lorsqu'il est venu du ciel sur la terre se faire homme pour votre salut, et qu'ensuite de tant de travaux, il a répandu son sang et est mort sur une croix, car toutes ces choses seront mises, le jour de votre mort et de votre jugement, dans une balance pour vous en faire rendre compte. Et Dieu vous demandera quel usage vous avez fait de tant de faveurs, et de quelle sorte vous avez reconnu de si excessive bonté le désir qu'il a eu de vous sauver. Vous verrez alors combien vous avez sujet de craindre, puisque non seulement vous n'avez pas répondu par vos services à tant de bienfaits, mais lui avait rendu le mal pour le bien en lui témoignant si peu d'amour lorsqu'il vous en faisait tant paraître, et en le fuyant lorsqu'il vous conviait de venir à lui pour recevoir de nouvelles grâces. Quel ressentiment ne devons-nous point avoir de ce que son extrême miséricorde nous a délivré des peines de l'enfer que nous avions si justement méritées? Quels remerciements ne lui devons-nous point rendre de nous avoir tant de fois tendu les bras pour empêcher les démons de nous entraîner dans l'abîme, et de ce qu'encore que nous l'ayons si souvent tant offensé, il n'a pas laissé de nous défendre et de nous traiter en père très charitable. Songez qu'il y a peut-être des âmes dans l'enfer qui ne sont pas plus coupables que vous, et ainsi servez Dieu comme si vos péchés vous y avaient fait entrer et qu'il vous en eût retiré, puisque ce qui vous a empêché d'y être précipité n'est pas une moindre grâce qu'il vous a faite. Que si, après avoir comparé cette multitude innombrable de bienfaits dont vous êtes redevable à Dieu, avec les péchés que vous avez commis, vous ne vous sentez pas touché d'une aussi grande confusion et d'une aussi vive douleur que vous le désireriez, ne vous troublez pas néanmoins, mais continuez à porter jugement contre vous-même. Présentez à Dieu votre cœur percé de tant de plaies, et qui lui est si redevable, et priez-le de vous faire connaître quel vous êtes et quelle opinion vous devez avoir de vous-même, car le fruit que l'on peut tirer d'un si saint exercice n'est pas seulement de connaître notre misère, c'est de la ressentir de telle sorte, que nous n'ayons pas moins de dégoût et d'aversion de nous, même que de la puanteur d'une charogne. Mais ces considérations ne se doivent pas faire précipitamment et en même jour, il faut que ce soit en divers temps et dans un grand recueillement, afin de nous donner peu à peu du mépris de nous-mêmes, et nous faire offrir à Dieu ce mépris, en le priant de le graver de plus en plus dans notre cœur. Considérez-vous ensuite comme vous croyant sincèrement très imparfaite et digne de toutes sortes de châtiments, quand ce serait même de ceux de l'enfer. Préparez-vous à souffrir avec patience tous les maux qui vous pourront arriver, puisqu'ayant offensé Dieu, il est juste que toutes les créatures s'élèvent contre vous pour venger l'injure faite à leur Créateur. Cette patience fera voir que vous vous reconnaissez véritablement être une pécheresse qui mériterait l'enfer, si elle vous fait dire en vous-même, « Quelque mal qui m'arrive, je n'aurai pas sujet de m'en plaindre puisque je mérite l'enfer, car, qui serait celui qui, ayant mérité des tourments éternels, oserait se plaindre d'une piqûre de mouche ?» Ainsi, vous admirerez l'infinie bonté de Dieu qui, au lieu de rejeter loin de lui de misérables vers de terre et tout corrompu tel que nous sommes, nous conserve et nous fait des grâces tant dans le corps que dans l'âme, seulement pour la gloire de son nom, puisqu'il n'y a rien en nous dont nous puissions nous glorifier. Chapitre 62. Que notre examen de chaque jour peut beaucoup servir à nous donner la connaissance de nous-mêmes, et que nous en tirons encore d'autres grands avantages. Nous en pouvons aussi beaucoup tirer des remontrances que l'on nous fait des secrètes inspirations de notre Seigneur. Il reste encore deux choses à faire pour travailler à cette connaissance de nous-mêmes, l'une. De ne nous contenter pas de nous accuser devant Dieu de tous nos péchés, mais aussi de ceux que nous commettons en chaque jour, parce que rien ne peut en servir à nous encourager, car l'âme qui néglige à examiner ses paroles, ses pensées et ses actions, ressemble à la vigne d'un homme lâché paresseux dont le sage dit que la haie est abattue et qu'elle est toute pleine d'épines. Proverbe 24. Imaginez-vous que l'on vous a donné à gouverner la fille d'un roi, dont vous êtes obligé de veiller sur les actions pour la reprendre le soir des fautes qu'elle aura faites durant le jour, et l'exhorter à la vertu. Considérez-vous ensuite vous-même, comme étant cette princesse dont Dieu vous a donné la conduite, et qu'ainsi vous ne devez pas vivre sans loi et sans règle, mais dans une sainte sujétion et discipline qui vous porte à la vertu et à ne rien faire de répréhensible dont vous ne soyez châtié, Examinez-vous le soir très particulièrement selon cela, pour vous rendre compte à vous, même comme vous le feriez rendre à un autre. Reprenez-vous de vos fautes, châtiez-vous-en, et exhortez-vous à mieux faire avec encore plus de chaleur que vous ne feriez à une personne que vous aimeriez extrêmement. Plus vos fautes seront grandes, plus les remèdes que vous y apporterez doivent être forts, et le moyen de faire qu'elles ne continuent pas longtemps, est de répandre des larmes pour vous garantir de l'enflure si dangereuse de l'orgueil qui entre insensiblement dans l'âme. Lorsque l'on est satisfait de soi-même, il n'y a rien que vous ne deviez faire pour éviter un si grand mal, et vous servir de la lumière de la vérité pour vous accoutumer à vous déplaire et à vous reprendre vous-même. Ainsi, vous attireriez sur vous la miséricorde de Dieu, qui n'est content que de ceux qui sont mécontents d'eux-mêmes, et pardonne avec un excès de bonté les fautes dont on se confesse coupable, dont on gémit, et qui font qu'on s'humilie. Vous éviterez aussi par cette conduite de, autres grands vices qui accompagnent d'ordinaire l'orgueil, qui sont l'ingratitude et la paresse, car la connaissance de vos défauts vous fera voir votre indignité et la grandeur de la miséricorde de Dieu qui ne vous souffre pas seulement et vous pardonne, mais vous fait du bien lors même que vous ne faites que du mal. Ainsi, vous deviendrez reconnaissante, vous vous réveillerez de ce dangereux sommeil de la paresse, et voyant que vous avez si mal servi Dieu, vous commencerez à vous efforcer de le bien servir. Un saint vieillard anachorète, étant interrogé touchant ses avantages et plusieurs autres que l'on tire de la connaissance de soi-même, où il croyait qu'il valut mieux être pour ce sujet, ou dans la solitude, ou en compagnie, il répondit, « Pourvu que l'on sache se bien reprendre soi-même, on se trouvera partout en sûreté, mais à moins que cela, il n'y a point de lieu où l'on ne soit en péril. » Comme l'amour propre nous empêche de nous bien connaître et de nous reprendre avec la sévérité que la vérité demande, nous devons savoir beaucoup de gré à ceux qui nous reprennent, et prier Dieu de nous reprendre lui, même en nous donnant par un effet de son amour la lumière nécessaire pour avoir un sentiment de nous-mêmes qui soit selon la vérité. C'est ce que Jérémie lui demandait par ses paroles, « Corrigez-moi, Seigneur, avec un esprit de juge, et non pas dans votre fureur qui me réduirait en poudre. » Jérémie 10. Car il corrigera en sa fureur dans ce dernier jour, où il enverra les méchants dans les enfers, au lieu que lorsqu'il juge en ce monde ceux qui sont à lui, il les corrige avec un amour de père, et il n'y a point de plus grande marque de son amour que cette répréhension, parce qu'elle est toujours suivie de ses faveurs. Ainsi, nous voyons dans l'Évangile, qu'après que Jésus, Christ ressuscité, eut apparu à ses disciples et leur eut reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, il leur donna le pouvoir de faire des miracles. Marc 16. Et le prophète Isaïe dit, que Dieu lave par un esprit de jugement et d'ardeur les impuretés des filles de Sion et le sang répandu dans Jérusalem, Isaïe 4, afin de nous faire entendre que pour laver les taches de nos âmes, il commence d'agir par un esprit de jugement en nous faisant connaître quels nous sommes, et qu'après, par un esprit d'ardeur, c'est-à-dire d'amour, qui nous cause de la douleur, il lave et efface nos taches en nous donnant sa grâce, sans que nous puissions nous en glorifier parce qu'il avait commencé par nous faire connaître notre indignité et notre misère. Mais ne vous imaginez pas, ma fille, qu'une telle répréhension cause cette tristesse excessive et ce découragement qui, ne pouvant venir que du démon ou de nous-mêmes ne saurait être que fort mauvais. Elle nous donne seulement une tranquille connaissance de nos fautes, et c'est comme un céleste jugement qui, se faisant entendre dans l'âme, la fait rougir de honte de sa lâcheté, et lui donne de la crainte, mais une crainte mêlée d'amour, qui lui sert comme d'éperon pour se corriger et servir mieux à l'avenir notre Seigneur. Cet amour la remplit aussi de la confiance qu'il aime comme un père aime son enfant, parce qu'il paraît qu'il la traite en père selon qu'il est écrit, « Je corrige ceux que j'aime », Proverbe 3. Mais il faut ensuite prendre un grand soin de s'examiner et de se corriger de ses défauts en se mettant à la présence de Dieu devant qui l'humble connaissance de nos fautes nous sert beaucoup plus que les plus grandes connaissances, lorsqu'elles sont accompagnées de vanité. Éloignez-vous donc de ceux qui sont si amoureux d'eux-mêmes, que pour ne paraître pas imparfaits à leurs propres yeux, ils s'occupent beaucoup à penser à d'autres sujets de dévotion, et passent légèrement sur la connaissance de leurs défauts, parce qu'ils n'aiment pas ce qui les rabaisse, quoique rien ne nous soit si avantageux et ne porte tant Dieu à détourner sa vue de nos péchés que de les bien connaître et de nous en reprendre avec douleur et un sincère désir d'en faire pénitence, selon qu'il est écrit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés de Dieu. 1 Corinthiens 11, 31. Chapitre 63. Que pour ne nous pas tromper dans la connaissance de nous-mêmes et ne pas pécher contre la véritable humilité, nous ne devons pas même faire cas de nos bonnes œuvres, et que Jésus-Christ nous en donne un admirable exemple. La seconde chose à quoi nous devons prendre garde touchant cette connaissance de nous-mêmes est qu'encore qu'elle nous soit avantageuse, parce qu'elle nous humilie et nous donne ce mépris de nous-mêmes qui est si agréable à Dieu, elle a néanmoins cela de fâcheux, qu'elle est fondée sur nos péchés, et comme il n'y a pas sujet de s'étonner qu'un pécheur se reconnaisse être pécheur, ce serait une chose si horrible que l'étant, il se crut juste, qu'on pourrait le comparer à un homme qui, encore qu'il fût tout couvert de lèpre, se croirait être fort saint. C'est pourquoi, en considérant nos péchés, il ne faut pas se contenter de n'avoir point d'estime de nous-mêmes, nous ne devons pas aussi en avoir dans la vue de nos bonnes œuvres, mais au contraire, être fortement persuadé que comme le mal ne peut venir de Dieu, le bien ne peut venir de nous, et que tout l'honneur en est dû à ce Père des Lumières, qui en est l'unique source. Ainsi, nous sommes obligés de regarder ce qu'il y a de bon en nous, comme ne nous appartenant point, mais seulement à Dieu, lui en donner toute la gloire, l'employer pour son service, et ne nous en rien approprier. Cette sorte d'humilité n'est pas comme la première dont j'ai parlé, l'humilité qu'ont les pécheurs, c'est l'humilité qu'ont les justes, car on ne l'a pas seulement en ce monde, on l'a aussi dans le ciel selon qu'il est écrit, qui est semblable au Seigneur, notre Dieu, qui, encore qu'il habite en un lieu si haut et si sublime, se rabaisse néanmoins pour voir toutes choses dans le ciel et sur la terre, psaume 112, 5. Ça a été cette humilité qui a empêché les bons anges de tomber et les a rendus dignes de posséder Dieu, parce qu'elle les a rendus inébranlables dans l'obéissance qu'ils lui doivent. Et ça a été le défaut de cette humilité qui a fait précipiter les mauvais anges dans l'enfer, parce qu'il voulait s'égaler à Dieu, ça a été aussi cette sainte humilité qu'eut la Sainte Vierge, lorsque Sainte Élisabeth lui disant qu'elle était bien heureuse et bénie entre toutes les femmes, au lieu de s'en élever, elle en donna toute la gloire à Dieu, et apprit à cette sainte femme et, en sa personne, à tout le monde, qu'elle était redevable de toutes les grâces qu'elle avait reçues, à ce souverain auteur de notre être, par le respect avec lequel elle lui répondit dans ce cantique, « Mon âme glorifie le Seigneur », Luc 1, 46. C'est cette même humilité que Jésus-Christ en tant qu'homme, a eue en un souverain degré, puisque son âme, comme étant unie au Verbe éternel, surpassant infiniment en excellence toutes les autres âmes et tous les esprits célestes, son humilité a été incomparablement plus parfaite, car, bien loin de s'attribuer la gloire de ses actions toutes miraculeuses et de sa doctrine toute céleste, ne l'a-t-il pas toujours donné à son Père en disant, « Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de celui qui m'a envoyé », Jean 7, 16, et ailleurs, « La parole que vous avez entendue n'est point ma parole, mais celle de mon Père qui m'a envoyé », Jean 14, 24. Et certes, il était bien juste que ce divin Rédempteur, venant au monde pour remédier à tous nos maux, fut parfaitement humble, puisque l'orgueil les avait causés. C'est pourquoi, afin de nous faire connaître combien cette véritable et sainte humilité nous est nécessaire, il a voulu particulièrement nous en instruire et se proposer lui-même pour exemple, lorsqu'il a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, 29. Pouvons-nous donc travailler avec trop de soin pour acquérir une vertu que notre Sauveur qui est la suprême sagesse nous a si particulièrement recommandée, et voyant que ce roi des anges et des hommes ne s'est pas voulu attribuer le bien qu'il faisait, serions-nous assez extravagants et assez hardis pour oser nous attribuer celui que nous ne faisons que parce que sa grâce nous le fait faire ? Apprenez donc de votre Maître et de votre Dieu, fidèle servant de Jésus-Christ, cette sainte humilité, qui vous élèvera d'autant plus que vous vous abaisserez davantage, selon ses paroles sorties de sa bouche. Celui qui s'abaisse sera élevé, Luc 14, 11. Aimez cette sainte pauvreté dont il a dit aussi, Bienheureux sont les pauvres d'esprit, parce que le royaume du ciel est à eux, Matthieu 5, 3. Et enfin tenez pour certain que puisque votre Sauveur, pour arriver à la gloire, a pris le chemin de l'humilité, on ne saurait le quitter sans s'égarer, et gravez dans votre cœur ces paroles de saint Augustin. Si vous me demandez quel est le chemin du ciel, je vous répondrai que c'est l'humilité, si vous me le demandez une seconde fois, je vous répondrai la même chose, et si vous me le demandiez mille fois, je vous répondrai toujours qu'il n'y a point d'autre chemin pour aller au ciel que l'humilité. Chapitre 64. Que la considération de nous-mêmes peut beaucoup nous servir pour acquérir l'humilité. Comme je ne doute point, ma chère fille, que vous ne souhaitiez extrêmement d'avoir cette sainte humilité, si agréable à notre Seigneur, je veux dire quelque chose des moyens de l'acquérir. Le premier est de persévérer à la lui demander, comme à l'auteur de tous les biens, car cette vertu est un don particulier qu'il accorde à ceux qu'il aime, et ce n'est pas même une petite faveur qu'il nous fait, de connaître que nous ne pouvons recevoir ce don que de sa main. Ceux qui sont tentés du péché de l'orgueil n'ignorent pas qu'ils sont incapables par eux-mêmes d'avoir cette véritable humilité, et il arrive souvent que les moyens dont ils se servent pour l'acquérir font qu'elle s'éloigne encore davantage d'eux, à cause qu'ils se glorifient d'avoir voulu s'humilier. Le remède à cela est de se conduire en la manière que je l'ai dit sur le sujet de la chasteté, qui est de travailler de telle sorte pour l'obtenir de Dieu, que l'on ne se relâche jamais, sous prétexte de dire, il est inutile de prendre tant de peine, puisque c'est un don qui vient de Dieu, et que, d'un autre côté, on ne met pas sa confiance en soi-même, mais en lui, qui accorde sa grâce à ceux qui la lui demandent par des prières accompagnées de bonnes œuvres. La manière dont vous devez vous conduire pour obtenir cette grâce est de considérer deux choses, l'être et le bien-être. Quant à la première, pensez à ce que vous étiez avant que Dieu vous eût créé, et vous trouverez que vous étiez dans un abîme de néant. Entretenez-vous dans la pensée de ce non-être, jusqu'à ce que vous compreniez bien ce que c'est. Considérez ensuite de quelle sorte la main toute-puissante de Dieu vous a tiré de cet abîme pour vous rendre une de ses créatures, en vous donnant un être réel et véritable. Ainsi ne vous regardez pas comme étant vous-même votre ouvrage, mais comme étant l'ouvrage de Dieu, de qui vous tenez cette faveur. Regardez votre être comme vous regardez celui des autres, et vous trouverez que vous ne pouvez non plus vous le donner à vous-même, en vous créant, que de le leur donner en les créant, et que vous ne pouviez aussi non plus sortir de ces ténèbres du non-être que ceux qui y sont encore. Regardez-vous toujours aussi comme n'étant qu'un néant, en référant à Dieu tout ce que vous avez de bon. Ne croyez pas qu'après avoir été créé vous n'ayez plus besoin de rien, puisqu'il n'y a point de moment de votre vie dans lequel vous ne dépendiez autant de Dieu qu'auparavant, pour conserver l'être qu'il vous a donné. Rentrez dans vous-même, pour voir que vous êtes une créature vivante et subsistante. Interrogez cette créature, qui est vous-même, pour savoir si c'est par elle-même qu'elle subsiste ou par un autre, et si elle s'appuie sur soi-même ou sur un autre. Alors saint Paul vous répondra que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être, Actes des Apôtres, 17, 28. Considérez qu'il est le souverain être, et que sans lui rien ne peut être, qu'il est la vie de tout ce qui respire, et que sans lui tout peut passer pour une mort, qu'il est la force de tout ce qui agit, et que hors de lui il n'y a que faiblesse, et qu'enfin il est la source éternelle de tout le bien, et que hors de lui il ne saurait y avoir le moindre bien. Ce qui a fait dire à Isaïe, toutes les nations sont devant Dieu comme si elles n'étaient point, et passent pour un néant et pour une vanité, Isaïe, 40. Saint Paul dit aussi, si quelqu'un s'estime être quelque chose, il se trompe lui-même, parce qu'il n'est rien, Épître aux Galates, 6, 3. Et David disait à Dieu, je suis devant vous, Seigneur, comme un néant, Psaume 33. Mais ne vous imaginez pas que tous ces passages se doivent entendre comme si les créatures n'avaient ni être, ni vie, ni action, qui leur fussent propres et distinctes de celles de leur Créateur. Il signifie seulement que ce que nous avons ne vient point de nous, et que nous ne saurions le conserver que par l'assistance de Dieu. Ainsi quand on dit qu'elles n'ont point d'être, c'est-à-dire qu'elles tiennent de Dieu et non pas d'elles, même leur être, leur force et leur action. Approfondissez donc bien ce qui regarde votre être et votre force, jusqu'à ce que vous en avez trouvé l'inébranlable fondement, qui est Dieu, puisqu'autrement vous courriez fortune de retomber dans le néant d'où il vous a tiré. Reconnaissez qu'il est tout votre appui, que c'est sa main toute puissante qui vous soutient, et dites avec David, Seigneur, vous m'avez formé, et vous tenez toujours votre main sur moi, Psaume 138. Considérez que si cette divine main, qui est la puissance de Dieu, Cessez de vous soutenir, vous tomberiez dans le moment, de même que le soleil, par son absence, laisse la terre dans les ténèbres. Adorez ensuite Dieu avec un profond respect, comme étant le principe de votre être, aimez-le comme votre bienfaiteur, et dites-lui de tout votre cœur, que soyez-vous glorifié à jamais, puissance infinie par laquelle je subsiste. Je ne cherche rien, Seigneur, hors de vous, parce que vous m'êtes plus présent que je ne le suis à moi-même. Je n'ai point besoin de vous chercher hors de moi, parce que je vous trouve en moi plus intimement que je n'y suis, et qu'ainsi il faut que je passe dans moi pour entrer dans vous. Après vous être ainsi unis à lui par votre amour, dites-lui, comme David, « C'est ici le lieu où je me suis établi une demeure fixe et arrêtée pour jamais, j'habiterai ici, parce que c'est le lieu que j'ai désiré. » Psaume 131, 15. Accoutumez-vous désormais à regarder avec respect Dieu comme présent dans votre cœur, ainsi qu'en effet il y est. Et comme vous avez reconnu, par ce qui s'y passe, qu'il vous a donné l'être et le pouvoir d'agir, sachez qu'il a fait la même chose dans toutes les créatures. Par ce moyen, elles seront comme un miroir qui vous le représentera clairement, votre âme se trouvera unie à lui, et tout vous portera à publier ses louanges, parce que vous ne chercherez que lui dans toutes les créatures. Chapitre 65. Que la connaissance de l'être surnaturel que nous donne la grâce peut servir à acquérir l'humilité. Si vous vous êtes, ma chère fille, appliquée avec soin à la connaissance de vous-même, pour rendre à Dieu la gloire que vous lui devez de l'être naturel qu'il vous a donné, vous devez encore beaucoup plus travailler à connaître que ce n'est pas de vous, mais de sa pure grâce que vous tenez cet autre être plus parfait. Car si, après avoir attribué à Dieu la gloire de votre être, en confessant que vous lui en êtes redevable, vous vous appropriez vos bonnes œuvres, vous vous rendez à vous, même plus d'honneur que vous n'en rendez à Dieu puisque ces bonnes œuvres sont beaucoup plus estimables que cet être. C'est pourquoi vous devez travailler avec un extrême soin à passer de la connaissance de vous-même à celle de Dieu, et le regarder toujours comme l'auteur du bien que vous faites. Prenez donc garde à n'avoir pas le moindre sentiment d'orgueil mais, comme vous reconnaissez que vous ne pourriez avoir l'être si Dieu ne vous l'avait donné, reconnaissez aussi que vous ne sauriez faire le moindre bien s'il ne vous le fait faire. Pensez ensuite que comme ce qui n'est point ne peut avoir aucun être ni tenir aucun rang entre les créatures, de même le pécheur, quelque grand et quelque riche qu'il soit selon le monde, n'est devant Dieu que comme un néant s'il n'a point l'être spirituel que donne la grâce, ce qui a fait dire à saint Paul, « Quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, que j'aurai une parfaite science de toutes choses, et quand j'aurai toute la foi possible et capable de transporter les montagnes si je n'avais point la charité, je ne serai rien. » 1 Corinthiens 13. Cela est si vrai que le pécheur est même moins qu'un néant, parce qu'il vaudrait mieux qu'il n'eût point d'être que d'en avoir un mauvais, puisqu'il n'y a rien de si méprisable aux yeux de Dieu qu'est celui qui l'offense, et que son péché ne le bannit pas seulement du ciel, mais le condamne à des peines éternelles. Pour vous faire encore mieux connaître combien l'état d'un pécheur est déplorable, considérez que rien n'est si horrible que d'être en la disgrâce d'un Dieu et son ennemi, et qu'un seul péché commis contre lui rend plus coupable que tout ce qu'une femme pourrait faire de plus offensant contre son mari, et un fils contre son père. Parce que rien n'est plus criminel que de manquer au respect que l'on doit à Dieu en violant ses commandements. Puis donc que vous voyez combien condamnables sont ceux qui se précipitent dans un tel malheur, songez à quoi vous vous trouveriez réduite, si, pour vous en garantir, vous n'aviez de l'horreur de leur faute. Comme, pour connaître votre néant, vous vous serez mis devant les yeux le temps auquel vous n'aviez pas encore reçu l'être, ainsi pour connaître votre misère, souvenez-vous de celui dans lequel vous offensiez encore Dieu. Considérez, le plus attentivement qu'il vous sera possible l'état déplorable où vous vous trouviez alors, désagréable à Dieu moindre qu'un néant, et de pire condition que les animaux et les autres créatures, qui, quelque méprisables qu'elles soient, ne pèchent point contre leur Créateur, et ainsi ne sont point sujettes à ces peines éternelles que vous aviez tant de sujets d'appréhender. Ne craignez point de vous abîmer dans le centre du néant, puisque l'on ne saurait s'humilier autant que l'on mérite de l'être, lorsque l'on a offensé le souverain bien, qui est Dieu. Et il faut avoir vu dans le ciel quelle est son infinie bonté, pour pouvoir comprendre entièrement quelle est l'horreur du péché et du châtiment qu'il mérite. Après que vous aurez gravé dans votre esprit et dans votre cœur ce mépris de vous-même, levez les yeux vers Dieu, considérez de quel abîme sa miséricorde vous a tiré, lorsqu'au lieu de le mériter vous y étiez très indigne. Car, à moins que Dieu donne la grâce quoique tout ce que l'homme fait ne soit pas un péché, il ne fait néanmoins et ne peut rien faire qui mérite le pardon et cette grâce. Sachez donc que c'est Dieu qui vous a fait passer des ténèbres à la lumière, qui, de son ennemi et de son esclave que vous étiez, vous a fait être son ami et sa fille, et qui, après vous avoir tiré du néant, vous a rendu agréable à ses yeux. Sachez aussi que ce ne sont pas vos services passés, mais ceux que vous lui pourrez rendre à l'avenir, qui l'ont porté à vous traiter si favorablement, mais sa seule bonté et les mérites de Jésus-Christ, puisque sans cela vous ne pouviez éviter les peines de l'enfer. Écoutez ce que ce divin Sauveur a dit à ses apôtres et à nous en leur personne, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, Jean 15, 16. Souvenez-vous aussi de ces paroles de saint Paul, nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui nous est acquise par Jésus-Christ, Romains 3, 24. Comme vous tenez de Dieu non seulement l'être, mais aussi le bien-être, sans vous en pouvoir rien attribuer, faites une ferme résolution de n'user de l'un et de l'autre que pour sa gloire. Ayez toujours dans le cœur et sur les lèvres ces paroles de saint Paul, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » 1 Corinthiens 15, 10. Chapitre 66. Continuation du chapitre précédent. Outre ce que je viens de dire, représentez-vous, ma fille, que comme avant que Dieu vous eût tiré du néant, vous n'aviez encore aucune puissance ni aucun sens avec lesquels vous pussiez agir, mais qu'il vous les a donnés en vous donnant l'être. De même celui qui est en péché mortel, est privé de l'être de la grâce qui le rendait agréable à Dieu, et se trouve sans force pour faire le bien qui lui pourrait plaire. Regardez ce pécheur commentant du nombre de ses aveugles, sourds, muets, paralytiques, lépreux, et accablés de toutes sortes d'autres maux, qui se présentaient à Jésus-Christ, notre véritable médecin, pour être guéri. Et croyez que cette personne n'est pas moins malade dans son âme que ceux-là l'étaient dans leur corps. Considérez qu'ainsi qu'une pierre par son poids tend naturellement en bas, la corruption du péché originel nous donne une très violente inclination pour ce qui regarde notre corps, notre honneur et notre intérêt. Elle fait que nous sommes nous-mêmes notre idole, et qu'au lieu de n'agir en toute chose que par un véritable amour de Dieu, c'est notre amour propre qui nous fait agir. Nous avons une ardeur non pareille pour les choses terrestres et qui nous touchent, et nous sommes très froids pour les divines et les célestes. Ce qui devrait dans nous obéir, commande, ce qui devrait commander, obéit, et nous sommes si misérables que, sous une figure d'homme et une apparence de créature raisonnable, nous cachons des sentiments de bête et avons le cœur penché vers la terre. Que vous dirai-je sur cela, ma fille, sinon que, voyant tant de dérèglements et de désordres dans l'esprit et dans les actions des hommes, vous devez connaître quelle est leur corruption et leur misère lorsqu'ils n'ont point l'esprit de Dieu, et rentrez dans vous-même pour considérer que vous seriez en même état qu'eux, s'il ne vous avait assisté par sa grâce. Vous devez reconnaître que c'est de lui que vous tenez la santé de votre âme, que c'est lui qui vous a fait soumettre vos affections à la raison, qui vous a fait trouver doux ce qui vous semblait amer, qui vous a rendu agréable ce qui vous était désagréable, et enfin qui vous a fait agir d'une manière toute nouvelle. Selon ce que dit saint Paul, c'est Dieu qui opère en nous comme il lui plaît le vouloir et le faire, Phil 2:13. Mais ne vous imaginez pas néanmoins que notre libre arbitre n'est point de part à nos bonnes œuvres, car ce serait non seulement une ignorance, mais une erreur. Cela veut dire seulement que Dieu opère le vouloir et l'exécution, parce qu'il est le principal agent dans l'âme du justifié, qu'il meut doucement notre libre arbitre, et fait qu'il coopère avec lui, selon ces paroles de saint Paul, nous sommes les coopérateurs de Dieu, 1 Corinthiens 3:9, ce qu'il fait en nous excitant et en nous aidant à donner librement notre consentement aux bonnes œuvres que nous faisons. Ainsi, il est vrai de dire que l'homme opère en cela, puisque c'est avec sa propre et libre volonté qu'il veut ce qu'il veut, et opère ce qu'il opère, et qu'il est en lui de ne le pas faire. Mais Dieu opère en cela principalement, puisqu'il produit la bonne œuvre et notre libre arbitre à la produire aussi, tellement que la gloire de l'un et de l'autre est due à Dieu seul. Pour ne vous pas tromper, ma fille, dans une matière si élevée, ne vous arrêtez point à examiner quels sont les biens que vous tenez de la nature, et ceux que vous tenez de la grâce. Laissez cela à examiner aux savants. Fermez les yeux et contentez-vous de croire ce que la foi nous enseigne, qui est que nous sommes redevables à Dieu des uns et des autres, qu'il lui en faut donner toute la gloire, et que nous sommes incapables par nous, même d'avoir seulement une bonne pensée. Écoutez ce que dit saint Paul, lorsqu'il reprend ceux qui avaient des sentiments avantageux d'eux-mêmes. Qu'avez-vous, dit-il, que vous n'ayez point reçu, que si vous l'avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous comme si vous ne l'aviez point reçu? 1 Corinthiens 4:7. Ce qui est comme si ce grand apôtre disait, si vous êtes redevable à la grâce de Dieu de ce que vous le contentez et faites de bonnes œuvres, ne vous en glorifiez pas, mais donnez-lui, en toute la gloire. Si vous usez bien de votre libre arbitre qui consent au bon mouvement que Dieu vous donne à sa grâce, ne vous en glorifiez pas non plus, mais attribuez en la gloire à Dieu qui vous a fait donner ce consentement en vous y incitant et vous y poussant doucement, et en vous donnant même ce libre arbitre qui vous fait consentir sans contrainte, que si pouvant résister aux mouvements et aux inspirations de Dieu, vous ne l'avez pas fait, ne vous en glorifiez pas non plus, puisque vous êtes aussi redevable à Dieu de ce que vous pouvez résister ou consentir, et de ce que vous ayant aidé à consentir au bien, il vous a aidé à n'y pas résister. Enfin, quelque bon usage que vous fassiez de votre libre arbitre en ce qui regarde votre salut, c'est une obligation que vous avez à Dieu, là, qu'elle procède de cette prédestination pleine de miséricorde par laquelle il a résolu de toute éternité de vous sauver. Établissez donc toute votre gloire en Dieu seul de qui vous tenez tout ce que vous avez de bon, et croyez que vous n'êtes, par vous-même, qu'imperfection, que vanité et qu'un néant. C'est ce que nous apprend un commentaire sur ce passage de saint Paul, celui qui s'estime être quelque chose se trompe lui-même, parce qu'il n'est rien, Galates 6, 3. Il n'est que vanité et que péché, et s'il a quelque chose de bon, c'est à Dieu qu'il en est redevable. Sur quoi saint Augustin dit, « Seigneur, qui est l'éternelle lumière, vous m'avez réveillé de mon assoupissement, vous m'avez ouvert les yeux, et vous m'avez fait voir que toute la vie de l'homme, en ce monde, n'est qu'une tentation, qu'il n'y a point de juste qui puisse se glorifier devant vous ni être justifié que par vous. » Parce que quelque petit ou grand bien qu'il fasse, c'est par vous qu'il le fait et qu'il n'a rien que de mauvais par lui-même, de quoi peut-il se glorifier s'il ne veut se glorifier du mal? Mais ne serait-ce pas un sujet de honte et non pas de gloire? Puis donc qu'il n'y a que celui à qui le bien est propre qui puisse s'en glorifier, et que tout le bien appartient à Dieu? C'est à lui seul que l'on en doit donner toute la gloire, selon ces autres paroles du même saint, « Je reconnais devant vous, Seigneur, que je ne suis que misère et que si j'ai fait quelque bien, la gloire vous en est due, puisque c'est vous qui me l'avez fait faire, je confesse, comme vous me l'avez fait comprendre, que je ne suis que vanité, qu'une ombre de mort. » Qu'un obscur abîme, qu'une terre incapable de rien produire que par votre bénédiction, que confusion, que péché, que si je suis quelquefois debout, c'est parce que vous me soutenez, que je retombe aussitôt que vous cessez de me soutenir, que je ne me relèverai jamais, si vous ne me tendiez la main, qu'après m'être relevé je retomberai encore, si vous ne m'en empêchiez, que je m'égarerais si vous ne me conduisiez, et que je demeurerais toujours aveugle, si vous ne m'éclairiez de votre divine lumière. Ainsi, Seigneur, votre grâce et votre miséricorde, marchant devant moi, ont guéri mes maux, m'ont garanti des péchés où je serais tombé, me délivre des présents. Me préserve de ceux de l'avenir et me sauve des pièges où je tomberai, sans quoi il n'y aurait point de péché que je n'eusse commis, parce qu'il n'y a point d'homme qui ne soit capable de les commettre tous, si son Créateur ne lui sert de guide pour l'en empêcher. C'est donc vous, mon Dieu, qui m'en avez garanti, puisqu'après m'avoir défendu de les commettre, vous m'avez fait la grâce de vous obéir en me conduisant vous-même, en me gardant vous-même, et en me donnant la lumière nécessaire pour éviter de tomber dans l'adultère et les autres crimes. Chapitre 67. Continuation du précédent chapitre. Que Dieu répand souvent par cette connaissance de nous-mêmes une si grande lumière dans nos âmes, qu'elle nous fait entrer par le mépris de notre néant et de notre bassesse dans la connaissance de la grandeur de Dieu. Après avoir, ma chère fille, Considérez avec attention ces paroles de saint Augustin que je viens de rapporter, voyez combien vous devez être éloigné, non seulement de vous attribuer la force de vous relever de vos chutes, mais celle de vous pouvoir empêcher de commettre de nouveaux péchés et encore plus grands, puisque, comme je l'ai dit, si la main de Dieu cessait de vous soutenir, vous retomberiez à l'instant dans l'abîme du néant d'où elle vous a tiré. Humiliez-vous donc, rendez grâce à notre Seigneur de qui vous avez, en tout temps, tant de besoins, selon ces paroles de David, « Seigneur, toutes mes aventures sont entre vos mains », Psaume 30, 18. Ce saint roi nomme aventure la grâce de Dieu et la prédestination éternelle qui ne peuvent venir que de sa bonté qu'il accorde à qui il lui plaît. Ainsi comme s'il vous était l'être qu'il vous a donné, vous rentreriez dans le néant. De même, s'il retirait sa grâce de vous, vous retourneriez au péché. Mais je ne vous dis pas ceci pour vous jeter dans le découragement et le désespoir. En voyant l'extrême besoin que vous avez que Dieu vous soutienne, je vous le dis seulement afin que vous jouissiez avec plus de sûreté des grâces qu'il vous a faites. Ayez d'autant plus sujet d'espérer avec confiance qu'il achèvera de faire en vous le bien qu'il y a commencé, qu'il vous verra prosterné à ses pieds avec une plus grande humilité et une crainte salutaire, sans chercher d'autre appui qu'en lui seul, car ce sont là les marques les plus assurées que son infinie bonté ne nous abandonnera pas, selon ces paroles de la plus humble de toutes les femmes, la très sainte Vierge. Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent, Luc 1, 50. Si notre Seigneur vous fait la grâce de vous donner cette connaissance que vous désirez, vous sentirez venir dans votre âme une céleste lumière qui, dissipant toutes vos ténèbres, vous fera connaître qu'il n'y a dans toutes les choses créées, ni être, ni bien, ni force que ce qu'il plaît à Dieu de leur en donner et leur conserver. Vous connaîtrez aussi alors combien véritables sont ces autres paroles. Votre gloire remplit les cieux et la terre. Car il n'y a rien de bon dans tout ce qui est créé, dont la gloire, ne soit due à Dieu, et vous le pouvez voir par ce qu'il commanda à Moïse de dire à son peuple, « Celui qui est, m'a envoyé vers vous », Exode 3, et par ce que Jésus-Christ dit dans l'Évangile, « Dieu seul est bon », Marc 10. Car comme l'être de toutes les choses et tout le bien qui se fait, soit par le libre arbitre ou par la grâce, vient de Dieu et est conservé par lui, on peut dire qu'il est en elle, et qu'il opère plus qu'elle-même, le bien qui est en elle, non qu'elle n'opère pas, mais parce qu'elle n'opère que comme des causes secondes qu'il fait mouvoir, en qualité de principal et universel moteur de qui elles tirent toutes leurs vertus. Ainsi, n'étant considérées qu'en elles-mêmes, il est évident qu'elles n'ont autre appui que cet être infini qui les soutient, et que, quelque grandes qu'elles paraissent, elles ne sont à son égard que comme une petite aiguille, en comparaison d'une mer sans fond et sans borne. Cette connaissance de Dieu imprime dans l'âme qui sait en faire un bon usage un si profond respect pour sa suprême majesté, et lui donne tant d'horreur de la seule pensée de s'attribuer à elle-même ni à aucune autre créature le moindre bien, qu'il agit en cela comme fit le chaste Joseph à l'égard de la femme de son maître, sans vouloir en nulle manière toucher à l'honneur qui est dû à Dieu. Selon qu'il est écrit, la gloire n'appartient qu'à Dieu, Isaïe 41. C'est pourquoi, quand tout le monde ensemble voudrait donner de la gloire à une personne qui est pleinement persuadée de cette vérité, elle n'aurait garde de s'en élever. mais renoncerait à cet honneur qu'elle saurait ne lui appartenir point pour le donner à Dieu à qui il est dû, parce qu'elle connaîtrait que, plus elle est élevée, plus elle a reçu de lui, plus elle lui est redevable et est obligée de se rabaisser, puisqu'à proportion que les autres vertus croissent, l'humilité doit croître aussi et nous faire dire à Dieu ce que saint Jean-Baptiste dit en parlant de Jésus-Christ, « Il faut que le Seigneur croisse et que je diminue » Jean 3, 30. Que si les considérations que je vous ai représentées ne suffisaient pas, ma fille, pour vous donner un aussi grand mépris de vous-même que vous le désireriez, ne vous découragez pas néanmoins, mais continuez à implorer par une oraison persévérante le secours de Dieu, qui veut souvent nous instruire intérieurement en parlant à notre cœur, et extérieurement par des effets visibles, du peu d'estime que la créature doit faire d'elle-même. Cependant demeurez avec patience dans l'attente de sa miséricorde, et soyez persuadés que vous avez de l'orgueil, parce que c'est une marque d'humilité de se croire orgueilleux, comme c'en est une d'orgueil de se croire humble. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, Abbé Migne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.